Bonjour, bienvenue dans le cabinet d'Agathe de Vry. On va partager un moment, un petit moment ensemble, un court moment, mais qui va nous détendre et nous faire du bien. Pour ce faire, je vous conseille de mettre des oreillettes, car cette vidéo est enregistrée en mode ASMR. Vous m'entendrez parfois à droite ou à gauche. C'est voulu, c'est un effet de balancement, ça aide à la relaxation. Calez-vous sur ma voix. Vous entendez la pluie qui arrive, qui tombe déjà autour de moi. Et les orages au loin. Pour cette petite auto-hypnose, je vous conseille de vous détendre et de vous mettre au calme. Dans un endroit où vous êtes sûr de ne pas être dérangé. Prévoyez un petit drap à placer sur vous parce que quand on se détend, on a tendance à avoir froid. Vous pourrez toujours relever ce drap si vous avez froid. Si vous avez peur d'être déconcentré, vous reviendrez sur ma voix. Je m'installe le plus confortablement. Sur mon lit ou sur mon canapé. N'oubliez pas, mettez vos écouteurs, réglez le son, le volume du son. Pour certains, ça sera trop fort, donc baissez-le. Pour certains, ça ne sera pas assez fort, augmentez-le. Faites comme il vous paraît le mieux pour vous. Je suis donc bien allongée à présent sur mon lit. Je porte mon intention sur ma respiration. J'inspire durant 4 secondes. Je bloquerai ma respiration 4 secondes et j'expirerai pendant 4 secondes. C'est parti. J'inspire. 1, 2, 3. Je bloque. 3, 4. J'expire. 1, 2, 3, 4. Je reprends une respiration normale. Tout de suite, je sens un apaisement qui arrive. Je peux sentir les battements de mon cœur dans ma poitrine. Et j'expire, mon cœur est plus calme. Je peux entendre la pluie, l'eau qui coule sur les carreaux de la pièce dans laquelle je suis. J'inspire. 1, 2, 3, 4. Je bloque. J'expire. 1, 2, 3, 4. Je reprends une respiration naturelle. Il peut m'arriver que des pensées viennent me déranger. Elles peuvent paraître désagréables. Des images aussi. Alors, je ne lutte pas quand elles se présentent. Je les accueille au contraire, tout en focalisant sur l'orage que j'entends et la pluie qui coule sur les vitres de la pièce dans laquelle je suis. Cette eau qui coule comme pour venir petit à petit dissoudre ces pensées, ces tensions que j'ai retenues pendant toute la journée. Elles ne me sont plus utiles en cet instant que je m'offre. Je peux imaginer que la pluie les emporte au loin. Je visualise donc des gouttes glissant de haut en bas sur la vitre et qui finissent par former une petite flaque. Cette petite flaque d'eau contient une partie de mes images dérangeantes, de mes émotions bloquées, de mes douleurs si j'en ai, et de mes pensées désagréables. L'eau s'infiltre dans le sol, tout doucement, à la manière d'un goutte à goutte. Elle s'enfonce strate par strate dans la terre. Cette bonne terre sur laquelle nous vivons et qui prend grande protection de nous, qui nous alimente, qui nous soutient, qui nous régénère. L'eau continue d'être emportée goutte après goutte et se purifie au fur et à mesure qu'elle s'enfonce encore plus profondément dans ce sol régénérateur qui est la terre. Je me sens détendue. J'inspire. 1, 2, 3, 4. Je bloque. 3, 4. J'expire. 1, 2, 3, 4. Je me sens bien. Je me laisse bercer. J'entends l'orage qui gronde. C'est très agréable. Ce tonnerre au-dessus de moi, j'ai confiance en lui. La pluie continue d'exécuter la mission que je lui ai confiée, celle de me laver de toutes ces choses nocives qui me dérangeaient. À présent, je peux me sentir complètement détendue. Les tensions que j'avais dans le dos, sur les épaules, disparaissent, fondent, s'enfoncent dans mon matelas. Je sens mon dos beaucoup plus lourd, beaucoup plus agréable. Les tensions disparaissent. J'inspire. 1, 2, 3, 4. Je bloque. 2, 3, 4. J'expire. 1, 2, 3, 4. Je suis complètement détendue, bien enfoncée dans mon matelas. Je suis en sécurité dans ce vaste cocon dans lequel je suis posée. Mon esprit est apaisé. Je peux même apercevoir une toute petite lumière qui se situe entre mes sourcils. On appelle ça le troisième œil. Il se situe entre les sourcils, un petit peu au-dessus des sourcils, vers le front. On appelle ça donc le troisième œil. Je vous invite à regarder cette petite lumière qui commence à prendre de l'ampleur, ça y est, vous l'avez, vous la voyez. Cette lumière grandit. Je peux même la sentir sortir tout doucement de mon troisième œil. Elle émane une douce chaleur. Elle est très agréable. On va l'appeler la lumière du bien-être. une lumière qui nous soigne, qui nous apaise. Elle est souple, élastique. Elle s'étire. Je la laisse venir m'envelopper. Elle ressemble maintenant à une très belle bulle ovale. Elle m'enveloppe au-dessus de mon corps, à côté de mon corps, à gauche de mon corps, à droite de mon corps, en dessous de mon corps. Je me sens très, très bien. C'est très chaleureux comme sensation. C'est doux à la fois et réconfortant. Je suis bien. J'entends toujours la pluie et l'orage au loin. Je me sens à l'abri. Ma respiration est calme, posée, naturelle. Mon esprit est léger. Mes douleurs amoindrie, voire absente, dissoute par les gouttes de pluie. C'est mon moment parfait. C'est mon moment de détente. Mon être se régénère ici et maintenant. Je peux rester comme cela et me laisser emporter par mon sommeil. Je me concentre sur la pluie et sur l'orage qui s'approche au-dessus de moi. Je me concentre sur la pluie. Se soulève calmement à chaque respiration naturelle. Je suis bien, mon corps est détendu. J'accueille ce moment dans le plus grand silence. Je n'entends que l'orage et la pluie. Mes orteils, puis mon pied le plus doucement possible. Mon pied droit, mon pied gauche. Je bouge les doigts de ma main droite. Je retourne ma paume de ma main vers le ciel. J'en fais de même avec les doigts de ma main gauche. Je remue doucement mes doigts. J'ouvre mes paupières. Tout doucement, je m'apprête à reprendre le cours de mon quotidien. Je retrouve doucement mes sensations. Mes sensations de réveil. Je suis calme et complètement réveillé. Je me remercie pour ce moment de détente. Je suis en paix. Je sais que la suite de mes activités, que mon quotidien sera parfait. Thank you.